Thank you. Chico, j'ouvre la barrière.

les barbares. Casimir le satyre, faire amollir ses poupées de cire. Arsène qui n'a pas de veine, vit dans une benne et porte une gaine. Justine, la petite coquine, prend sa tartine dans la moustine. C'est l'homme qui bave et dans la cave mange des chouraves. Gladys, l'écrevisse, montre ses cuisses à une génisse. Amédée, le bébé, fait des bébés à la mairie. Prosper, qui manque pas d'air, est un imberbe berbère. Thank you. was my mind I stay in bed, but I can't get a sleep. We'll be right back. I'm sorry.